Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Pour cette émission Caprice de lecture, Sarah est allée à la rencontre de Serena Davis à l'occasion du livre sur la place. Bonjour Serena, donc c'est votre première saison au livre sur la place. Qu'est-ce que vous éprouvez ? Bonjour Sarah, tout d'abord, un peu intimidée parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Alors, c'est vrai que c'est mon premier grand salon. Habituellement, j'étais plus sur des petits salons. Ce ne sera pas le dernier puisque j'en ai d'autres qui sont prévus ce semestre. Mais c'est vrai que tous ces gens, c'est assez impressionnant avec des lecteurs qui m'ont reconnue sur les réseaux. Et ça, c'est hyper, hyper flatteur. Des gens qui me connaissaient parce que on s'est croisés dans d'autres univers et qu'on se retrouve aujourd'hui. Et puis, des nouveaux lecteurs qui étaient ravis en fait, de découvrir des auteurs qu'ils ne connaissaient pas. Au milieu de toute cette foule et je suis juste hyper contente d'être là quoi. Donc vous faites partie de l'événement national de la rentrée littéraire française. Comment ça se passe pour pouvoir venir au livre sur la place pour assister ? En tant qu'auteur, moi j'ai de la chance parce que je connaissais une personne parmi les organisateurs. Je suis éditée à compte d'éditeur, ce qui facilite aussi quand même les choses. Après, je sais qu'il y a une tente pour les auto-édités qui est quand même assez... Et on est très bien accueillis. C'est ça l'avantage au livre sur la place, c'est que quel que soit finalement la catégorie... On va parler comme ça, dans laquelle on se situe entre les auteurs qui sont connus, les auteurs qui sont dans le grand chapiteau et plutôt édités à compte d'éditeur ou invités par les libraires et les auteurs auto-édités. Je trouve qu'il n'y a pas de différence de fait dans l'accueil aux auteurs et ça, j'en suis très reconnaissante au livre sur la place parce que chacun peut trouver sa place justement parmi les auteurs auprès des lecteurs et on a tous la même visibilité quelque part. Oui, ok, vous êtes tous mis sur un pied d'égalité en fait. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que vous avez rencontré quelques grands noms de la littérature que vous pourriez admirer ici ? Est-ce que vous avez pu échanger un peu avec une de ces célébrités littéraires ? Alors, je n'ai pas échangé avec eux, mais je connais, pour les avoir approchés dans d'autres contextes, Mélissa D'Acosta, que je trouve absolument, absolument brillante. J'aime beaucoup Amélie Nothomb aussi, que je lis beaucoup. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les approcher parce qu'on est vite débordé. Quand on arrive au livre sur la place, on a l'impression que les seules pauses qu'on a, c'est pour aller aux toilettes ou déjeuner. J'aimerais bien en croiser d'autres. Je suis pas sûre que ça puisse se faire sur ce week-end littéraire là. Et puis peut-être qu'un jour je serai parmi eux aussi. Donc je désespère pas en tout cas. Je suis très très heureuse d'être là. Et je trouve que c'est déjà un grand pas. Alors c'est tout ce qu'on peut te souhaiter d'être aussi connu qu'une Amélie Nothomb ou qu'un Olivier Nourek. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous citer une remarque d'un lecteur ou d'une lectrice qui t'aurait particulièrement touchée depuis le début de ce salon? Ouais, moi j'ai une lectrice qui m'a dit, quand je lui ai dit que j'étais une auteure atypique et que j'avais un TDI, qui m'a dit que c'était extraordinaire en fait de voir des gens qui assumaient leurs différences sur un salon. Elle m'a pris tous les livres, elle m'a dit moi je veux connaître tous vos univers, tous les univers de vos alters et ça j'ai trouvé ça formidable parce que ce sont des lecteurs qui s'intéressent non pas seulement à l'œuvre littéraire mais au sous-jacent en fait, aux motivations de l'auteur pour écrire ses livres et du coup ça fait quelque part écho à leur vie personnelle. Ils vont chercher autre chose dans la lecture qu'une simple détente. Ils vont aller chercher vraiment peut-être des motifs ou de développement personnel, un approfondissement. Et ça, je trouve ça juste vraiment très, très intéressant. Serena, est-ce que tu vas un petit peu profiter de Nancy ce soir ? Est-ce que tu vas pouvoir te libérer pour aller dîner ou sortir ? Écoute, le salon ferme à 19h et j'ai prévu d'aller dîner dans un restaurant nancéen très connu. La soirée va être plutôt bonne, apéritif. Et puis, je pense que je vais bien manger. J'espère que je vais quand même revenir en forme demain, dimanche. Ça va être peut-être une journée un peu plus difficile que les autres, du coup. Merci beaucoup, Serena. On vous souhaite un excellent salon et à très bientôt. Merci, Sarah. Merci pour tout. C'était une émission Caprice de lecture spéciale Livre sur la place, présentée par Sarah. Retrouvez l'émission en podcast sur le site www.fadjet.net et bien plus sur le site www.capricedelecture.fr.